ciel, il est 17h. C'est la vie comme elle va. Le mercredi de 17h à 18h. Des histoires, des récits, des témoignages, de la poésie, du mystère, de l'émotion. La vie quoi, la vie comme elle va. Une émission pour ceux qui aiment lire, sortir, découvrir. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. J'adore cette merveilleuse musique qui nous met dans le bain dès le début de l'émission. En plus, c'est le début de l'année. Alors, bonjour à tous. Bonne année. Bonne année, bonne année. Bonne, bonne santé. Plein de bonnes choses. De toute façon, j'ai jamais souhaité une mauvaise année à personne. Alors. T'es bien, t'es mignon. Je reconnais bien là ton côté bisounours sympa. Pas bougon du tout. Vous les avez reconnus. Nous sommes en compagnie d'Eliane. Bonjour Irène, bonjour à tous. Et de nos Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour les Jean-Pierre. Et vous pouvez le constater, on démarre l'année et cette émission dans la bonne humeur et dans les traditions. Tout à fait. Puisque, en fait, le début de l'année, c'est le moment où on se souhaite les uns aux autres des tas de bonnes choses. Alors, on ne va pas manquer à cette tradition. Non. Et on va, en effet, vous souhaiter. Alors, qu'est-ce que nous allons souhaiter à nos auditeurs? Franchement, des bonnes lectures, du rire, du soleil dans le cœur et de l'amour, toujours de l'amour. Ah oui, je te reconnais bien là. Et toi, qu'est-ce que tu souhaites en général à tous ceux que tu rencontres en ce moment? On ne sait rien, moi. Et toi, Jean-Pierre? Eh bien, écoute, moi aussi, je vous souhaite de beaux livres et puis surtout des belles jaquettes, parce que j'adore les belles jaquettes. C'est pour notre page de notre site, hein, bien sûr. Hein. Et tu nous souhaites des bonnes musiques, puisque c'est toi qui fais la programmation. Eh bien, écoute, l'an dernier, j'ai tenu mon vœu de faire un nouveau générique. Donc, je l'ai fait. Hein. D'accord. Oui, il est super. Moi, je l'adore, ce générique. Voilà. C'est quand même la première fois qu'on nous souhaite de bonnes jaquettes. Oui, j'ai rien dit, moi. J'ai senti qu'il y avait un flottement. Il y avait un léger flottement. Oui. Mais c'est très important, la jaquette. Ah, bah, je te le dis, bah, bien sûr. Sur Radio Arc-en-Ciel, l'année commence dans la bonne humeur. Et, oui. Et en effet, on a envie de vous souhaiter plein de bonnes choses. Alors, des bons moments à partager avec ceux que vous aimez, de belles et merveilleuses lectures, des découvertes d'auteurs, des moments que vous allez pouvoir passer en compagnie d'autres personnes qui aiment les livres. Et puis, le début de l'année, c'est aussi le moment où on prend les bonnes résolutions. Oh là ! Alors, j'espère que les uns les autres, vous avez pris des bonnes résolutions. Oui. D'arriver à l'heure pour l'émission. Elle est bonne, celle-là. Pas au dernier moment. De finir à l'heure aussi. Pas au dernier moment pour pas provoquer des crises cardiaques, pour ceux qui attendent. Et puis, en effet, terminer dans les temps. Et puis, c'est aussi l'époque où on décide de ne plus fumer, de ne plus boire, de ne plus manger, surtout du chocolat. De faire du sport. De faire du sport. Hein, oh là, ça a l'air de t'inspirer, Jean-Pierre. Alors, moi, je vous propose un aphorisme que j'ai découvert chez Sylvain Tesson, un auteur que j'adore. Et donc un aphorisme qui m'a inspirée. C'est en prenant son courage à deux mains, en même temps que ses jambes à son cou, qu'on risque de se casser la gueule. C'est certain. Donc, c'est pas la peine d'en faire trop, hein. Non. Le courage à une seule main, ça suffira oui. amplement. Et les jambes à votre cou, c'est plus de votre âge. Non, mieux donc... les laisser par terre. Non, franchement, abordez cette année avec une grande sérénité. Dites-vous que tout ce que vous ferez, ce sera très bien. Ce que vous ne ferez pas aujourd'hui, vous le ferez demain. Un autre le fera peut-être demain. Un autre ouais. le fera peut-être demain. Ça s'appelle demain. Procrastiner. Procrastiner, j'adore ce mot. Oui. Ça m'énerve les gens qui font ça, mais le mot est très joli. Bah, il paraît que ce n'est pas la peine de faire aujourd'hui ce qu'en effet, autre peut faire un autre, on peut oui, faire le après-demain. Après-demain. Voilà. Donc, c'est vrai que les temps ne sont pas faciles. On le sent bien. Hein. Mm-hmm. C'est pas comme d'habitude, ce début d'année. Il y a... Ben non, c'est l'année 2019, donc c'est pas comme tout est neuf. Les autres, hein. C'est bien connu. mais, courage, on va y arriver. Ce sera une super année. Et pour commencer, donc, aujourd'hui, trois livres vous seront présentés. Le livre du jour, c'est Eliane qui va le présenter. Il s'agit de J'ai perdu Albert, de Didier Van Coveler. Ensuite, c'est Jean-Pierre qui nous présentera sans titre. Et sans jaquette. Si, avec jaquette. Sans titre, oui. Mais sans titre, de Valérie Gans. Et côté polar, c'est moi qui vous entraînerai. Il sera question d'un complot. Mmh. Et c'est la suite du livre Le Cri que je vous ai présenté l'année dernière de Nicolas Beuglé. Alors c'est la suite, c'est une nouvelle aventure, disons, de l'héroïne que nous avons découvert avec Le Cri. Donc, sans plus attendre, je propose à Eliane de nous expliquer pourquoi... Oui. Elle a perdu Albert. Eh oui. Eh bien, c'est un drôle de livre drôle. Moi, je trouve que c'est une idée géniale, comme Albert Einstein, car c'est bien de lui, le Albert de l'histoire. C'est bien lui, l'Albert de l'histoire, oui. Alors, juste pour vous mettre en bouche, parce que quand on lit le début, on se dit « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et vous allez réagir certainement comme moi. « Ce matin, j'ai encore trouvé 48 cadavres. » Ça commence bien. Il faut que je souris, que je sois frais et dispo, que j'ai mémorisé les plats du jour, les commandes et les prix. Depuis 6 mois que je suis serveur à mi-temps dans ce snack de gare pour payer mes loyers en retard et tenter de sauver mes ruches, cette double vie n'a fait que multiplier les problèmes par deux. Le seul ami qui me reste, Olivier, il est chocolatier caviste au bout de la galerie marchande. Il m'a pistonné en m'inventant un CV prestigieux pour que j'obtienne la place. Et je dois m'efforcer par égard pour lui d'être à la hauteur de ses mensonges. Afin de justifier une maladresse étonnante chez un ancien de l'hôtel Métropole, il a raconté à la gérante que j'avais eu des malheurs. De ce côté-là, au moins, je n'ai pas eu à me forcer. Et voilà comment, dans l'agitation confinée d'une gare de Bruxelles, je perds mon temps 6 jours sur 7 pour gagner une vie qui ne sert plus à rien. On ne se désolidarise pas assez vite du genre humain lorsqu'on est serveur. Alors voilà, donc il est serveur. Et puis un jour, il y avait dans le restaurant, il y avait une jeune fille. Il y avait une jeune fille en deuil. Il y avait une blonde aux yeux bleus, tendance frigo, luxe, aux talons, style chasseuse de tête. Elle commande rien, je la vire, hein, franchement. Sans quoi, ça va encore me retomber dessus. La gérante est très claire. On n'est pas une aire de stationnement pour discussion portable. Je me plante devant cette belle blonde et dès qu'elle a raccroché son téléphone portable, je lui lance « Vous désirez ?» Elle me répond « La paix !» Son cri du cœur me déstabilise une seconde, puis je réponds malgré moi d'un air sympathique « Ce n'est pas sur la carte, mais je peux demander au chef !» Elle me regarde comme une fiente sur son pare-brise. Soudain, sa tête se met à dodeliner et je me dis qu'elle a un malaise. Mais c'est moi qui d'un coup vacille sur mes jambes. Un poids terrible me tombe sur la nuque. Avec des frissons de fièvre et des spasmes aux paupières. Qu'est-ce qui m'arrive ? Eh bien, ce qui lui arrive, figurez-vous, c'est un transfert. Parce que Albert, il est passé d'une tête à une autre tête. Il était dans celle de Chloé, qui est la plus grande voyante que le pays a vue, même le monde politique. Et depuis hier midi, elle ne voit plus rien. l'esprit qui la hantait depuis 25 ans l'a soudain quitté pour sauter dans la tête de Zach, qui est apiculteur à la dérive et garçon de café. Après une journée où rien ne va comme elle voudrait, puisqu'Albert ne répond plus, elle avait même à l'OTAN, lui a demandé où est-ce qu'il fallait envoyer les missiles, parce qu'il y avait des terroristes et tout. Elle les a envoyés dans un endroit bizarre, où il n'y avait pas la moitié du poil d'Inde terroriste, voilà. Et dans le café où elle se trouvait, ce garçon lui demande ce qu'elle voulait. Et c'est là qu'elle aussi, elle a bien senti qu'il y avait quelque chose, puisque, écoutez ce qu'elle dit. Il a souri d'un air conciliant. Ce n'était pas sur les cartes, mais il pouvait demander au chef. C'est là que j'ai perdu conscience un bref instant et que le silence d'Albert a cessé d'exprimer la réprobation pour devenir une véritable absence. Mais c'est la catastrophe. Pour elle, c'est la catastrophe. Parce que, bien sûr, pour que les gens la prennent au sérieux, elle se fait payer, et bien payer. Parce que Albert, dans sa tête, il lui dit plein de trucs qui lui servent forcément. Alors, plus rien ne va pour Chloé. Et tout est compliqué et incompréhensif pour ce pauvre Zach. Alors, Zach et Chloé vont entrer en contact lors d'une signature du livre de Chloé qui s'appelle « Mes visions du monde ». Et si Albert était ce qui va permettre à l'amour d'exister, et si les abeilles étaient la clé du mystère, il est bon de croire à l'incroyable. Et c'est ce qui se passe dans ce livre. Franchement, bonne lecture, parce que c'est, il y a des passages qui sont très drôles, surtout quand il va même aller essayer de voir un exorciste pour se faire enlever ce mec de sa tête. Et c'est très drôle. Et puis surtout, Chloé, quand on voit pourquoi là, Albert Einstein, parce que sa vie était très intéressante depuis 25 ans quand même, hein. Mm-hmm. Et là, vraiment, ces deux-là sont très sympas. Zach, surtout, avec ses abeilles et tout. Et il va, grâce à Albert qui est dans sa tête, il va avoir une idée. Parce que ces abeilles, elles font un miel super, mais comme il est dans la ville, c'est pas assez sucré, il rajoute rien. Donc il ne vend pas son miel. Et puis, il y a plein d'abeilles qui meurent. Et il n'arrive pas à comprendre pourquoi. L'air est beaucoup plus pur que là où il y a des insecticides, où là, il n'y a rien. Et il se dit, peut-être que je devrais faire un truc que je me demande si je n'ai pas lu sur un livre où c'était un copain d'Einstein qui parlait de ça. Et voilà, donc je vous laisse là-dessus. Mais c'est un livre sympa, vraiment. Alors ça a l'air d'un livre farfelu, mais pour avoir entendu Didier Van Coveler en parler dans une interview, c'est des choses qui arrivent et qui lui sont arrivées que d'avoir des messages de l'au-delà. De l'au-delà. Et il en parlait très sérieusement, disant que beaucoup d'auteurs, et pas des moindres, avaient expérimenté ce genre de choses. Il faisait notamment référence à Victor Hugo, oui, qui avait lui aussi eu des messages de l'au-delà. Et il abordait cette question de façon très sérieuse. Et on pourrait penser que c'est un peu farfelu. Non, il disait qu'il avait été destinataire de messages, et notamment des messages mathématiques que lui ne comprenait pas, qu'il a transmis à des personnes compétentes et qui lui ont confirmé qu'il s'agissait bien de formules mathématiques, etc. Pardon. Et donc, c'est assez angoissant, non, de se dire surtout que Zach dit, mais si c'est... Parce qu'Albert Einstein, il en avait vaguement entendu parler, mais il me dit, d'abord, il trouve scandaleux, parce que lui qui est anti-bombe atomique, que ce soit l'esprit d'un mec qui était à la base de la création de la base atomique, qui soit dans sa tête, ça lui plaît pas du tout, du tout. Puis en plus, il dit, pourquoi il va pas chez un mathématicien? Il dit, moi j'y connais rien à toutes ces formules. Et puis après, il s'aperçoit, par exemple, un jour, il y a un gars qui lui dit, je vous ai donné 50 euros pour payer. Et vous m'avez vendu que sur 20 euros. L'autre, il fait, non, votre billet de 50 euros, il est dans votre porte-carte, entre les cartes de ça. C'est dans sa tête qu'on lui avait dit. Donc il s'aperçoit qu'effectivement, alors du coup il dit des choses aux gens qui leur fait peur, donc ça plaît pas du tout à sa patronne, donc il va être viré de son boulot, et il voudrait vraiment que ce Albert il aille voir ailleurs, s'il n'y avait pas d'autre chose de plus intéressant à faire que d'être dans sa tête. Et ce livre est devenu un film. Ah bon? Il y a un film qui a été fait, absolument. Ah bon? De ce livre. Et ça s'appelle comment le... Je crois que ça s'appelle pareil. Ah bon? Ça me dit rien du tout. Ah, moi qui m'occupe, j'aime bien le cinéma, j'avoue que ça me dit rien. Je vais chercher. Je vais chercher. En tout cas, le livre est très sympa, franchement. Oui, oui, c'est justement en cherchant plus d'infos que j'ai trouvé que le film est sorti récemment. Oui, j'aimerais pas du tout avoir quelqu'un dans ma tête, à moins que. Tous nos auditeurs nous ont entre les oreilles. Bien sûr. Et tu vois, on est dans la tête de nos auditeurs et personne n'en souffre. Nous sommes bien des gens avec les pieds sur terre, nous. J'ai perdu Albert de Didier Van Kovaler, recommandé par Eliane. La vie comme elle va, le mercredi de 17h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel. Oh yo yo yo yo yo. Oh yo yo yo. Une nouvelle année commence pour notre cher pays, la France. À quand les bonnes résolutions pour ne former qu'une seule nation? Ah, c'est beau ce que tu dis. Par exemple, pour le président, ce serait de prendre du bon temps ou bien d'aller prier à Lourdes pour enfin inverser la courbe. Mais le micron de Macron a mis cuit le Macron trop cru. Alors Manif en est allé à la conquête de l'Elysée. Oh yo yo yo yo. Fillon soit plus crédible, faudrait qu'il rase ses sourcils et faut que Marine se réconcilie avec son papa Jean-Marie. N'est-ce pas? Bonne année! Je t'aime ma fille, bonne santé, bonne année! Elle pourrait prendre des congés, une retraite anticipée, une bonne année sabbatique dans un lointain pays d'Afrique. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh. De l'autre côté de l'Atlantique, quelques résolutions pratiques pour Trump et son mur en béton. Faudra un CAP maçon ou simplement des cours d'histoire pour comprendre les flux migratoires. Mis à part les Amérindiens, y a pas de vrais Américains. Soi-disant prophète, au lieu de se faire sauter la tête et faire du tort aux musulmans, lisez au moins une fois le Coran. Et si là-bas, mon cher Bachar, la liberté donne des boutons par un mois en cure à menton plutôt que d'envoyer des chars. Et tu sais, Tristan, moi j'ai préparé des vœux pour la nouvelle année. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est très simple, je voudrais que les hommes, dès demain, laissent de côté leurs différences et prennent enfin conscience de leurs points communs. Oh, c'est beau ce que tu dis là, répète-le s'il te plaît. Je disais que les hommes, dès demain, ils laissent de côté leurs différences et prennent enfin conscience de leurs points communs. Oh, j'ai des frissons là, dis-le encore. Oh, ça va, hé, hey, les hommes, dès demain, ils laissent de côté leurs différences et ils prennent enfin conscience de leurs points communs. C'est simple, non? Est-ce que vous avez compris? Aimez-vous les uns les autres, n'est-ce pas? Bonne année, bonne santé. Oh, yo, yo, yo, yo, yo. Allez, chante, Jean-Marie. Ouais, yo, yo, yo, yo. C'est pas très français, ça. C'est un peu tendancieux, hein, tendance africo-congolaise, hein. Mais où va-t-il chercher tout ça? Bravo, Jean-Pierre. Bravo, vraiment, là, c'était des vœux assez intéressants. Le coup de cœur aujourd'hui, c'est celui de Jean-Pierre. Et c'est sans titre. Sans titre. Charles Newcomer a la douleur de vous faire part de la disparition à l'âge de 47 ans de son compagnon, l'artiste Egon Stubly. Survenu à Bali le 28 mai 2007, une cérémonie commémorative sera célébrée en l'église Sainte-Clotilde le vendredi 1er septembre à 15h. Article du Figaro, 27 août 2017. Disparition. En rédigeant le feuillet pour le carnet du jour, Charles n'avait pu se résoudre à employer le mot décès, ou mort, ou ramené à Dieu. Mais Dieu, Egon s'en fichait, ce n'était certainement pas auprès de lui qu'il entendait passer l'éternité. Disparition, quel flou, quel déni, quel manque de courage, comme si ne pas nommer les choses allait faire revenir Egon. On savait désormais ce qu'il était advenu de lui, depuis la dispute mémorable sur laquelle ils s'étaient séparés, dévorés par les requins dans une île idyllique qui longtemps avait été leur paradis. Dévorés par les requins quand Charles, lui, était dévoré de culpabilité. Ah. Sans titre nous emporte dans les méandres de l'art contemporain. Sans titre, d'ailleurs, comme beaucoup d'œuvres contemporaines, je devrais dire d'ailleurs comme beaucoup d'horreurs glorifiées par les spéculateurs, vous l'avez compris, l'art contemporain me sort 9 fois sur 10 par les trous de nez, mais sans titre de Valérie Gans, là, j'aime bien. Le dis effect, bon, l'affreux accent anglais, est un drôle de phénomène, savez-vous, je ne sais pas si vous connaissiez, lorsqu'un artiste meurt brutalement, le prix de ses œuvres s'envole. C'est vrai, on adore les défunts, ceux-là à qui l'on fait dire ce que l'on veut sans qu'ils puissent protester. Egon Stubly est artiste peintre, donc sa renommée a été fugace, notamment grâce à une série de tableaux promus par le galeriste Rodolphe, une purge ce Rodolphe, qui aime moins la peinture que le fric. Une série de visages torturés et plutôt laids. Egon Stubly vit en couple avec Charles Newcomer, chirurgien esthétique. À la suite donc d'une dispute entre Charles et Egon, ce dernier claque la porte et s'en va à l'autre bout du monde, où il se fait maladroitement dévorer par un requin, en voulant à tout prix surfer dans le domaine des squales. Ben voilà. La laideur fait vendre. La mort aussi. Avec la complicité vorace de Rodolphe, Charles, seul héritier de son compagnon, met sur le marché des toiles empilées dans le secret de l'atelier que ce dernier utilisait pour peindre. Egon, de son vivant, avait en effet connu un bref succès avec une série de portraits, Les Uglises, succès qui tardait à se confirmer, mais avec la mort du peintre, tout s'envole. C'est alors que vit une idée originale à Charles, qui s'interroge sur le succès d'Egon, reposant peut-être sur la vérité des visages et non pas sur leur plastique. Qu'en serait-il s'il transposait, lui, le bistourisman, embellisseur, cette hypothèse à sa propre pratique? Charles en a marre, mais marre de modeler des seins, des fesses, des nez pour que chacune de ses patientes devienne une Vénus standardisée. Et si au lieu de fabriquer de la poupée Barbie, il œuvrait à redonner une personnalité à ces créatures qui ne se trouvent jamais bien comme elles sont? Charles ne tarde pas à se trouver au pied du mur lorsqu'il rencontre lui aussi une Chloé. Une Chloé qui est analyste financière, qui vient le solliciter pour précisément lui demander de trouver une solution chirurgicale au problème qui la perturbe. Trop belle. Ah. Ses interlocuteurs professionnels ne la prennent pas au sérieux. La sauter, oui, mais pas plus, quelle blague. Charles, qui était sensible au charme masculin, tombe éperdument amoureux de cette Chloé, laquelle est amoureuse éperdument de Charles. Quand la passion vous fait changer de genre, vous êtes quelque peu dérouté. Elle est belle, mon histoire. Ça vous donne envie? Eh bien, c'est pas du tout cela, mon histoire. Mais comment? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais si cela, je plaisantais, voyons, c'est ça. Dans le monde de l'abstrait, ben oui, ce que l'on voit n'est pas forcément ce qui apparaît. L'art contemporain, la lumière des personnages haut en couleur du bouquin, est peut-être en train de me séduire. Non, pas la pissotière de Duchamp, s'il vous plaît. L'art, la passion, le fric, l'impossibilité de revenir en arrière, votre statut dans la société, qui manipule qui? Liberté, égalité, fraternité, tu parles, Charles. Il n'y a qu'une façon de s'en sortir, l'honnêteté. Mais dites donc, c'est très cher, l'honnêteté. Mm-hmm. Oui, mais qu'est-ce que c'est bien? Alors finalement, il va faire des Uglies aussi, lui? Ah, il va faire des... Il va vendre. Et puis, il va tellement bien vendre qu'il va pouvoir s'acheter une clinique, ce Charles. Ah. Et qui va développer le concept de la laideur choisie. Ça va parfaitement marcher jusqu'au jour où... Ou là, voilà. Parce que finalement, moi, j'ai toujours pensé que la beauté était un handicap. En tout cas, chez les femmes. Oui, moi, peut-être je préfère me le dire, ça m'arrange. Non, mais justement, quand trop belle, on n'est pas prise au sérieux. Hein. Ben, la preuve. Hein, et donc, parfois, il vaut mieux être typé ou avoir... un je ne sais quoi qui attire le regard. Du chien, comme dirait l'autre. Plutôt que d'avoir une beauté standardisée. Oui, oui. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, elles sont toutes pareilles. Hein. Ah ben ça, c'est, oui. Heureusement qu'on est là. Hein. Sans titre de Valérie Gans, qui vous est chaudement, très chaudement recommandée par Jean-Pierre. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Les bonnes résolutions m'envahissent la tête. Chaque année, j'ai l'intention d'atteindre la perfection, de frôler tous les sommets. Les bonnes résolutions, j'en remplis des brouettes. Et c'est la compétition, les plus grandes décisions étalées sur des cahiers. Quand vient le mois de janvier, je nage. Même au mois de février, je nage. Et d'année en année, je n'ai fait que passer à côté de mes promesses. Quand arrive l'été, j'enrage. Je n'ai fait que brasser, dommage. Brasser de l'air jusqu'au prochain hiver. D'autres résolutions. Je suis une idéaliste, alors je fais des listes que je n'applique jamais. Je supplie ma volonté froide comme un glaçon. Elles sont si diverses. Bon temps, et cette fois au bon moment, je m'améliore, je prends soin de mon corps, je positive, j'ai des initiatives. Quand vient le mois de janvier, je nage. Même au mois de février, je nage. Et d'année en année, je n'ai fait que passer à côté de mes promesses. Quand arrive l'été, j'enrage. Je n'ai fait que brasser, dommage. La vie comme elle va. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Pour notre plaisir sans cesse renouvelé, Eliane a choisi cette semaine un poème de Charles Péguy et un autre de Jules Supervielle. Oui. Charles Péguy, c'est parce que c'est, on parle beaucoup de cœur. Et moi, j'ai dit qu'on parle pas assez souvent de cœur. C'est bien de parler du cœur des gens, non? Et comme ça, c'est un quatrain, quatrain au pluriel, parce que c'est assez long, donc des strophes de quatre vers, n'est-ce pas? Il m'a bien convenu, ce poème. Je me suis dit, je vais le faire partager devant mon micro. Cœur dur comme une tour, ô cœur de pierre, donjon de jour en jour vêtu de lierre, de tout lien lié à cette heure, ô cœur humilié, cœur solitaire. Cœur qui a tant crevé de pleurs secrets, buveur inabreuvé, cendres et regrets. Cœur tant de fois baigné dans la lumière, et tant de fois noyé, source première. Au cœur laissé pour mort dans le fossé, cœur tu battais encore, ô trépassé. Au cœur inexploré, vaste univers, idole dédorée, jardin d'hiver. Ô vase de regrets plein jusqu'au bord du venin d'un remords inespéré. Ô vieil arbre écorcé, rongé de vers, vieux sanglier forcé, ô cœur pervers. Cœur qui a tant battu d'amour, d'espoir, ô cœur trouveras-tu la paix du soir? Cœur dévoré d'amour, te tairas-tu au cœur de jour en jour inentendu? Cœur plein d'un seul amour désaccordé, au cœur de jour en jour plus hasardé. Tu avais tout pourvu, ô confident. Tu avais tout prévu, ô provident. Tu avais tout pourvu, fort une fièvre. Tu avais tout prévu, fort que deux lèvres. Tu avais tout pourvu, fort une flamme. Tu avais tout prévu, fort une autre âme. Tu avais fait ton compte, ô prévoyant. Tu n'avais oublié qu'un cœur battant. Et donc, Charles Péguy est une gloire orléanaise. Absolument, absolument. Et vous savez que son, c'est bien lui qui a son portrait, son buste, qui a été abîmé par un éclat d'obus. Il est abîmé, son buste, à Péguy, sur le rond-point, là, où il est à, qui va vers le Pontinat. Mm-hmm. Il a été abîmé au même endroit que Péguy a été touché à la guerre. Et on ne croit pas aux esprits. Et ben voilà, c'est peut-être Albert Einstein qui a fait ça. Donc maintenant, Jules Supervielle, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de cet homme-là. C'est vrai qu'on n'en parle plus trop. Et là, ça s'appelle « Vivre encore mm-hmm. ». Ce qu'il faut de nuit au-dessus des arbres, ce qu'il faut de fruits aux tables de marbre, ce qu'il faut d'obscur pour que le sang batte, ce qu'il faut de pur au cœur écarlate, ce qu'il faut de jour sur la page blanche, ce qu'il faut d'amour au fond du silence. Et l'âme sans gloire qui demande à boire le fil de nos jours, chaque jour plus mince, et le cœur plus sourd, les ans qui le pincent. Nul n'entend que nous, la poulie qui grince, le seau est si lourd. Merci Eliane pour ces deux poèmes qui nous ravissent le cœur. Promis, je jure, je n'irai plus au bois. Mes mains sont liées et ma tête est en proie à quelque chose d'étrange, une folie malsaine, des pensées qui s'affolent. Je ne suis plus le capitaine. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh. J'ai allé de port en port, sans carte et sans boussole, vu naître et mourir les aurores et ma mémoire qui s'étiole. Je sais plus trop comment je suis arrivé ici. Dans mes yeux le noir, le blanc se mêle, ne reste que la nuit. Voler dans le silence lourd d'une nuit blanche évaporée. Depuis combien de temps? Plus d'une semaine, vous dites. Ma tête est un néant, tout au prix la fuite. Où est la fenêtre? Je ne détourne pas le regard. La cime des arbres qui se balancent, le vent qui souffle fort ce soir. Je vais craquer l'allumette. Sans rien entre mes doigts, je vois le monde comme un fantôme. À travers son drap, la musique joue dans ma tête comme une berceuse rassurant. Tout ira bien, ne t'en fais pas, tout ira bien, l'âme chantante. Entre les feuilles, les branches, les souvenirs, ils ont brûlé. Dans le silence lourd d'une nuit blanche. Promis, je jure, n'y reprendrai pas. La nuit est tombée, je n'irai plus au bois. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, plus au bois. Attendez une minute. Vous soupçonnez qui? Aucun d'entre eux. Tous. L'énigme restera entière. Tu ne connais pas les membres de ma famille. Tu n'as pas idée de quoi ils sont capables. C'est monstrueux. Côté polar. Je vous propose de retrouver l'inspectrice Sarah Göringen, dont nous avons fait la connaissance l'année dernière à travers le premier livre de Nicolas Beugler intitulé « Le cri ». Donc, ça, vous vous souvenez, ça se passait en Norvège. Et donc, au cours de cette première aventure, elle avait fait connaissance avec un journaliste français, Alexandre. Et donc, eh bien, nos deux tourtereaux filent le parfait amour. Et donc, Sarah et Alexandre se sont installés ensemble. Ils ont acheté une maison sur une île et tout semble bien s'organiser. Ils vivent avec le neveu d'Alexandre, hein, qu'il a recueilli après la mort de son frère, et la vie semble se dérouler de façon morne et tranquille jusqu'à ce que un hélicoptère atterrisse sur leur île. On vient chercher Sarah parce que elle est requise pour une enquête, et on sent bien que cette enquête doit avoir un caractère exceptionnel pour qu'on vienne la chercher de cette façon, avec les troupes d'élite. On se dit, là, il se passe quelque chose. Donc Sarah fait ses adieux à sa petite famille et embarque dans l'hélico qui l'emmène encore plus au nord, très au nord, et elle va donc découvrir de quoi il s'agit, parce que c'est vrai que les soldats qui l'accompagnent ne sont pas très bavards. Et donc on l'emmène sur le lieu du crime. Sarah s'approcha du chariot en inox sur lequel la police scientifique avait l'habitude de ranger son matériel de terrain. Elle y trouva des gants en latex bleu qu'elle enfila après avoir rangé les siens dans sa parka. L'odeur acide du caoutchouc lui sauta aux narines, et quelque chose, mais c'était surtout le souvenir brutal de tous les cadavres qu'elle avait inspectés munis de ses gants médicaux, lui donnait la nausée. Elle s'enivra d'air frais, puis d'un mouvement du corps plus marqué, manifesta sa présence aux trois membres de la police qui la saluèrent et s'écartèrent. À moins d'un mètre à peine du bord de la falaise, elle découvrit le corps gras, nu, allongé, face contre terre. Le corps d'une femme. La peau était blafarde, prenant par endroits des teintes bleuâtres. Sauf au niveau de l'épaule droite, où du sang s'était amassé sur les bourrelets de profondes entailles. La chair était à vif, comme lacérée à coups de griffe. À l'arrière du crâne, les courts cheveux bruns formaient une masse poisseuse, suintant d'une entaille d'où jaillissaient les pointes de débris d'os. La jambe gauche était tendue, la droite légèrement pliée. Le bras droit était tendu vers l'avant. Le bras gauche, paume serrée contre le sol, reposait au-dessus de la tête. Sarah remarqua que le poing contracté retenait quelque chose. Un objet blanc, peut-être une pierre. Intriguée, elle le fut tout autant parce qu'il attira son attention à hauteur des reins. À première vue, il s'agissait d'une simple forme géométrique tatouée longtemps auparavant, si l'on se fiait à la couleur passée de l'encre. Un rectangle positionné à la verticale, dont le plus grand côté devait mesurer une vingtaine de centimètres et le plus court une dizaine. À l'intérieur, un autre rectangle rectangle deux fois plus petit avait été dessiné. Il y manquait la ligne du haut et dans sa partie interne, plusieurs traits perpendiculaires les uns aux autres y formaient un étrange dédale. Comme la délimitation de pièces à l'intérieur d'un vaste bâtiment. Sarah avait du mal à y croire, mais tout semblait indiquer qu'il s'agissait d'une espèce de plan. Elle voulut l'inspecter de plus près pour en être certaine, mais une odeur de charogne lui sauta à la gorge et la fit reculer. Comment un cadavre si frais et exposé à une température de moins 10 degrés pouvait-il sentir déjà si mauvais ? Elle contourna la dépouille pour se positionner devant le visage dont la joue droite reposait sur le sol gelé. La face entière était recouverte de sang épais qui commençait à coaguler, façonnant un masque mortuaire. Mais les traits du visage étaient encore distincts. Seul l'angle penché de la tête empêchait de bien appréhender la physionomie de la victime. Du bout de ses doigts gantés, Sarah fit délicatement pivoter le visage vers le ciel et sentit son cœur rater un battement. Tout devint clair, les forces spéciales, l'urgence et le sceau du secret. Malgré le choc, elle demeura impassible. Non pas qu'elle soit insensible, elle mesurait la crise majeure qui allait bouleverser le pays d'ici quelques heures. Mais elle savait aussi combien seul le sang-froid vient à bout des situations critiques. Elle perçut la présence immobile des membres de la police scientifique qui observaient sa réaction, guettant le moment où elle allait laisser transparaître sa confusion. Mais lorsqu'ils la virent reposer la tête de la victime et se lever pour demander calmement où était le légiste, ils comprirent pourquoi on avait fait appel à elle. Au pied de Sarah, assassinée, gisait Katrina Hagebakke, la première ministre norvégienne. Et ce n'est que le début de l'absurde, lança une voix éraillée derrière Sarah. Eh bien, dis donc. Donc, ça commence très fort. Mmh. Voilà. Elle est sollicitée pour enquêter sur le meurtre de la première ministre norvégienne, avec tout ce que cela peut supposer de situations délicates, de répercussions. Donc, il va vraiment falloir qu'elle soit attentive à tout ce qui se passe et qu'elle puisse trouver rapidement une explication. Alors, on va essayer de lui en suggérer. Hein. Visiblement, on n'a pas trop envie qu'elle s'attarde. Qu'elle s'attarde. Mais notre Sarah, c'est quelqu'un qui est très consciencieux. Donc, elle va mener son enquête. Et très rapidement, elle va découvrir des choses qui ont échappé à la police locale. Et notamment, donc, pour la police locale, le corps de la première ministre aurait été transportée de l'endroit où elle a été assassinée, c'est-à-dire l'entrée de sa maison, jusqu'au bord de la falaise. Et puis, bah, Sarah va découvrir que non, elle n'a pas été transportée. C'est elle qui s'est déplacée jusqu'au bord de la falaise. Alors, elle va se demander, mais pourquoi, dans l'état où était cette femme, elle est allée jusqu'au bord de la falaise. Elle va découvrir que c'est pour y jeter quelque chose qu'elle ne voulait pas que l'on voit, que l'on découvre. Et les traces sur ses épaules, elle va finir par comprendre que c'est la ministre elle-même qui les a faites pour empêcher toute identification des traces de son assassin. Elle a couvert son assassin en empêchant de retrouver des indices, comment ça s'appelle ? Des empreintes, voilà. Merci. Est-ce qu'elle a dans la main, là ? On ne sait pas ce que c'est encore. On va le savoir. On va le savoir. C'est une craie. Et donc, les choses ont l'air vraiment très compliquées. Et alors, ce livre intitulé « Complot » va nous emmener très, très, très loin. Et je peux le dire, c'est un polar féministe. Mm-hmm. Parce qu'en fait, l'auteur va s'interroger sur l'origine de la misogynie, la façon dont c'est arrivé, la façon dont ça s'est manifesté au cours des siècles. Et c'est passionnant. Qu'on soit un homme ou une femme, à mon avis, c'est passionnant. Alors, on y croit, on n'y croit pas. Mm-hmm. À la fin du bouquin, il y a une bibliographie avec tous les documents sur lesquels l'auteur a travaillé pour écrire ce livre. Et donc, a priori, c'est assez sérieux. Et j'avoue que j'ai été complètement séduite par sa théorie. C'est vraiment très, très intéressant. On va découvrir aussi que Sarah, c'est pas quelqu'un de lisse, hein, c'est quelqu'un d'extrêmement torturé. Mais bon, tous les policiers à l'heure actuelle sont torturés dans les polars. Hein, on a rarement quelqu'un qui a pas de problème de monolithique. Et donc, il va lui en arriver des choses à notre pauvre Sarah. Et la fin, justement. Nous donne envie d'avoir très rapidement la suite. Ah. Parce que bon, ça se lit indépendamment les uns des autres. Hein. Mm-hmm. Je veux dire, vous n'avez pas lu Le Cri, vous pouvez lire Complot sans aucune difficulté. Et puis, si vous avez lu Le Cri, bon, c'est sûr que ce sera d'autant plus intéressant. Mais l'un n'est pas lié à l'autre autrement que par des héros communs. Enfin, des protagonistes communs. Et franchement, moi, j'ai été emballée par ce roman. En plus, c'est bien écrit. Nicolas Beugley vient du monde du cinéma. Il est scénariste. Donc, c'est quelqu'un qui a le sens du rythme. Oui. Il écrit ses livres comme on filme des films d'action. Son polar... À mon avis, ce sera un jour adapté au cinéma ou à la télévision, parce que c'est vrai qu'il y a un caractère très visuel. Bon, on peut regretter un certain nombre de... Bon, j'irai pas jusqu'à dire invraisemblance, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le monde que franchement, on n'y aurait pas cru, et puis c'est arrivé quand même. Ouais. Donc, certains peuvent en effet penser qu'il s'agit d'incohérence, mais bon, c'est juste de l'imagination. Et je vous garantis que avec ce livre, vous allez passer un excellent moment, que vous apprendrez des tas de choses, que vous vous attacherez à ces deux héros, puisqu'on retrouve aussi Alexandre. Elle va faire appel à lui pour des recherches, comme il est journaliste et que il a aussi des compétences en matière d'ethnographie, d'archéologie. Enfin bref, il va l'aider. Et vraiment, c'est un excellent moment pour commencer l'année. Donc, je vous recommande la lecture, la découverte de Complot. Le dernier livre de Nicolas Beugley. La vie, comme elle va. Rutine et pupille, les garçons, les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sur les jupes tes filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire. Par ce jeu de dupes, voir sur les jupes tes filles. Elle. Très fiers sur leurs escabeaux en l'air, regard méprisant et laissant le vent tout faire. Elle danse suave, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. On en fait beaucoup, se pencher, tordre son cou. Voir l'infortune, à quoi nos vies se résument. Pouvoir tout l'orgueil, toutes les guerres avec les deuils. La mort, la beauté, les chansons d'été, les rêves. Si parfois ça les gêne et qu'elles veulent pas qu'on regarde leur quibolle, les garçons s'affolent de ça. Alors faut que ça tombe, les hommes ou bien les palombes, les bières, les khmers rouges, le moindre chevreuil qui bouge. Fanfare bleu, blanc, rage, vert de rouge et vert de rage. L'honneur personne. Elles, pas fières, sur leurs escabeaux en l'air, regard implorant et ne comprenant pas tout. Elles, dents graves, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur homme. Qu'est-ce que l'on fait ? On sort ou on lit ? Voilà, exactement. C'est toujours la même question. Eh bien, moi, je peux vous proposer des sorties intéressantes. Une première sortie, vendredi prochain, janvier, vendredi 11 janvier à 20h30, si vous allez à la passerelle. Vous allez faire connaissance avec une femme de couleur, Samia Orozmann. Alors, Samia Orozmann, c'est une spécialiste du stand-up, mais un peu particulière. Elle est très décalée, avec son col roulé, son turban et sa tunique africaine. Elle feuillette l'album de ses souvenirs du pays des ch'tis au fin fond de l'Afrique, en passant par la Maghrébie, sans oublier le pays de son enfance, Clichy-sous-Bois. Elle croque avec tendresse et impertinence celles et ceux qu'elle a côtoyés depuis son enfance, de ses parents surprotecteurs aux mamans africaines du quartier. Elle parle de ses formes généreuses, elle parle du port du voile comme du mariage mixte, son quotidien quoi. Elle nous livre un show survolté entre sketch et imitation, en profitant au passage pour dézinguer tous les tabous et les communautarismes grâce à des piques bien senties, mais toujours avec autodérision et bienveillance. Donc, vous l'avez compris, c'est un spectacle drôle et chaleureux, mais qui est surtout porteur d'un message qui rassemble et qui prône le vivre ensemble. Donc, Samia Orozmann, vendredi 11 janvier à 20h30 à la passerelle. Mmh. Et le lendemain, si vous avez de charmantes têtes blondes dans votre entourage, vous pourrez aller voir Face de Lune, qui est proposée par la compagnie Clin d'œil, et à la passerelle toujours, donc samedi 12 janvier à 15h. C'est un univers poétique entre terre et lune au service d'une réflexion sur l'autre et sur les différences. Et puis vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas que du 15 janvier au 9 février se déroulera à la bibliothèque Les Jacobins l'exposition Imagilivre intitulée cette année « Sous l'arbre ». À Palabre, puisque Imagilivre est consacré aux contes africains. Mais je vous en dirai un peu plus la semaine prochaine. Jean-Pierre, avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous donner les musiques que nous avons entendues aujourd'hui ? Eh bien, écoute, pour célébrer le nouvel an, nous avons été chercher de bonnes résolutions, celle de la grande Sophie tout d'abord, et puis celle de Babacar, les bonnes résolutions de Babacar. Elles étaient excellentes. À réécouter sur le site dès demain. Et puis après, nous avons eu Guillaume Lecomte, Je n'irai plus au bois, petit québécois, et puis une reprise de la jolie chanson d'Alain Souchon, Les robes des filles, par Julien Estivel, qui est un petit québécois lui aussi. Et bien voilà pour ma part. Merci Jean-Pierre pour ces excellentes musiques. Alors, il nous reste à vous souhaiter une bonne semaine, d'excellentes lectures. Vous avez le choix hein, entre J'ai perdu Albert sans titre et Complot. Vous allez forcément passer de bons moments. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et je passe le relais à Violette pour Traditionnel. Bonne année, bonne année Violette. Bye bye.